Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici convié comme chaque jour de cette semaine au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment le mot pamphlet est-il entré dans la langue française, demande Antoine Compagnon. Comment une tache d'encre est-elle devenue une affaire d'État au XIXe siècle? Quelles étaient les relations entre Stendhal et Paul-Louis Courier, l'auteur illustre sous la Restauration du pamphlet des pamphlets? Et comment Paul-Louis Courier a-t-il été assassiné? Crime politique ou complot de famille? Antoine Compagnon, titulaire de la chaire Littérature française moderne et contemporaine, histoire critique théorie, poursuit la série inaugurée en 2017 autour de la littérature comme sport de combat. Pierre de Gasquet, qui a publié dans le journal Les Échos un grand portrait d'Antoine Compagnon, nous entraîne au cœur du Collège de France pour le cours consacré à la figure du grand pamphlétaire, aujourd'hui oublié, Paul-Louis Courier, et auquel notre philologue historien de la littérature consacre 3 séances. Il faut se lever de bonne heure pour assister au cours d'Antoine Compagnon, note le journaliste. On fait la queue depuis 3 heures, souffle son voisin. Au premier rang du grand amphi Marguerite de Navarre, bondé des doctorants aux cheveux embroussaillés, des étudiantes rêveuses à la moue boudeuse, et bien sûr de quelques retraités prêts à communier avec la fine fleur du corps académique national. L'amphithéâtre frémit quand Antoine Compagnon évoque l'affaire de la tache d'encre, note encore le journaliste, une énorme affaire d'État qui reviendra jusqu'aux oreilles de Napoléon. Accident ou crime, demande le professeur. L'épisode remonte à novembre 1809, lorsque Paul-Louis Courier, grand pamphlétaire de la Restauration, fait un pâté sur le manuscrit de Daphnis et Chloé, roman du grec Longus qu'il consulte. Ce sera la tache d'encre la plus célèbre de l'histoire de la littérature. Accident ou acte volontaire? Il n'en fallait guère plus pour captiver son auditoire, qui retient son souffle, note encore le journaliste. Et à ce stade, les 3 amphis bondés du Collège de France sont acquis à la cause de l'inventeur du pamphlet. Et vous, auditeurs de France Culture, serez-vous conquis par ce personnage dont Antoine Compagnon reconnaîtra demain et le pédantisme et la cuistrerie? Et nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 16 janvier 2018 pour le cours d'Antoine Compagnon. Aujourd'hui, Paul-Louis Courier, l'homme du pamphlet, deuxième partie. L'un des premiers champions de Paul-Louis Courier a en effet été Stendhal, dont il a été proche. Stendhal qui est plus jeune d'une dizaine d'années, mais qui a traversé les guerres de la Révolution et de l'Empire surtout, je dirais un peu avec le même dilettantisme que Courier. Je décrivais comment il avait été plutôt déserteur. Il rejoignait ses postes avec beaucoup de retard. Comme officier d'artillerie, il était mis aux arrêts. Donc il y a un point de ressemblance avec Stendhal, ce que Carrel avait appelé son éloignement philosophique des hauts grades. Et de la même manière que Courier, Stendhal a découvert l'Italie. Comme Courier, il retournera en Italie une fois libéré de l'armée. Et Stendhal, ben je dirais, c'est le premier à faire l'éloge de Courier dans ses chroniques dans la presse britannique. Stendhal a tenu une chronique entre 1823 et 1829 dans la presse britannique, le Paris Monthly Review, par exemple. Et cette chronique, je crois que je l'avais citée l'année dernière à propos de ces attaques du compérage. Hein, le compérage, les écrivains qui écrivent les uns sur les autres et qui sont solidaires. Dans cette chronique, eh bien, Stendhal fait souvent, revient très souvent à Courrier, et puis ce sont exactement les années des pamphlets, le début de ces années 20 sous la Restauration. Voici ce qu'il écrit par exemple en novembre 1823 dans la Paris Monthly Review. « Sans doute l'Angleterre n'a-t-elle jamais entendu parler de Paul-Louis Courrier, et pourtant c'est l'écrivain qui, estime-t-on à Paris, se rapproche le plus de Voltaire. Par l'élégance enjouée de son style, le mordant de sa satire et la veine caustique de son ironie. Cet an dernier, il s'est amusé, et le public avec lui, à tirer de temps à autre une volée de boulets de papier à l'encontre des autorités constituées. À peu près tous les mois, M. Courrier adresse au monde, au moyen d'une presse lithographique, une espèce de lettre provinciale sur la grande affaire du jour ou sur les mesures prises par le gouvernement. » Et on a là, dans ces quelques mots de Stendhal, beaucoup de termes intéressants. Ben d'abord, vous remarquez que le mot « pamphlet » n'existe pas encore. Il n'est pas encore employé pour désigner le genre dans lequel Courrier s'exerce. On trouve le mot de « satire », le mot d'ironie, l'expression « espèce de lettre provinciale », espèce de lettre provinciale qui nous renvoie évidemment aux lettres de Pascal, mais le mot « pamphlet » n'existe pas. Et puis il y a deux patrons de ce nouveau genre littéraire qui apparaît et qui sont Voltaire et Pascal. Ils se rapprochent de Pascal par ce mordant et cette ironie, et c'est un nouveau Pascal. Et je crois qu'on peut remarquer que ce rapprochement sera systématique. À travers tout le XIXe siècle, et je dirais jusqu'à 1940, Courrier a été le Voltaire et le Pascal de l'époque. Bon, et puis il y a cette référence à cette presse lithographique. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une presse lithographique, mais en tout cas, il s'agit bien de ces nouveaux moyens de produire, de l'imprimer à bon marché. Ce que Courrier publie, ce sont des petits livrets, comme celui-ci, je vous montre l'un d'entre eux. Ils font 16 pages. C'est un livret intitulé « Livret de Paul-Louis Vigneron pendant son séjour à Paris », donc sorte de nouvelle à la main, en mars 1823, numéro 3, 5e édition. Donc c'est une feuille pliée en trois, qui donne 16 pages de texte, et on peut donc vendre la feuille. On vend une feuille que l'on découpe pour faire 16 pages de texte. C'est au fond un tract, et c'est ce qui se répand en ce début du XIXe siècle à bon marché. Le texte qui couronne la carrière de Courrier, c'est ce texte qui s'appelle « Le pamphlet des pamphlets » l'année d'après, 1824. Et donc le mot est là, le mot est apparu dans la langue française, « Le pamphlet des pamphlets ». Et Stendhal écrit à propos de ce pamphlet des pamphlets dans la New Monthly Magazine en mai 1824, il écrit « Monsieur Courrier », et vous voyez que non seulement pamphlet apparaît, mais aussi pamphlétaire, « Monsieur Courrier est à la fois le premier pamphlétaire de France et l'un des meilleurs hellénistes dont le pays puisse s'enorgueillir. » Donc non seulement pamphlet est apparu, mais pamphlétaire. « Les pamphlets de Monsieur Courrier offrent un singulier exemple du pouvoir du style. En général, il n'y a rien de très nouveau ni de très frappant dans la matière. Leur grand mérite est dans la manière. » Et c'est cette ironie, ce piquant. Et eh bien, je souligne que, vous voyez, qu'en un an, le mot pamphlet est à la mode dans la langue française de 1823 à 1824 grâce à ce texte qui s'appelle « Le pamphlet des pamphlets » de Courrier, sur lequel j'aurai à revenir. Et puis voici encore Stendhal, c'est un texte un peu plus développé, toujours dans la presse britannique, C'est un texte qui est intitulé « L'état actuel de la littérature française en prose ». Donc Stendhal, en 1825, fait le point sur l'état de la littérature française en plusieurs articles, dont celui-ci sur la prose. C'est un article donc de juin 1825, et voici ce qu'il dit de Courrier, qui vient en deuxième position. Il est le second écrivain après Chateaubriand. Le premier écrivain en prose en 1825, c'est Chateaubriand. Le deuxième, c'est Courrier. Et le troisième, c'est Jouy, Étienne de Jouy, dont j'ai beaucoup parlé lorsque je parlais des chiffonniers. C'est les ermites en liberté. C'est pour le successeur de Louis-Sébastien Mercier qui écrit sur Paris. Donc ce sont les trois premiers prosateurs français aux yeux de Stendhal en 1825. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que l'article date de juin 1825. Courrier, en fait, était assassiné en avril, mais l'article, apparemment, date d'avant l'assassinat, et Stendhal ne le mentionne pas. Et il dit de lui, « Cet excellent et original écrivain passe en France pour un second Pascal. Hein, » toujours cette analogie avec Pascal. « Monsieur Courrier publie de temps à autre une brochure de quelques pages. » Et là aussi, le mot « pamphlet » n'est pas prononcé, c'est « brochure » que Stendhal utilise. Et voici ce qu'il dit donc de la prose de Courrier. « Son chef-d'œuvre est une lettre ironique de Louis XVIII à son bien-aimé frère Ferdinand d'Espagne. On peut citer ensuite, pour le piquant et la naïveté, sa pétition pour les villageois qu'on empêche de danser, dont il y eut 10 000 exemplaires vendus en quelques jours. » C'est toujours une feuille à plier en trois. « Sa lettre à l'occasion de la souscription pour le château de Chambord, ce qui l'a conduit en prison, sa protestation contre l'achat du château de Chambord pour l'offrir au duc de Bordeaux, l'enfant du miracle. » Le château de Chambord a conduit l'auteur à la prison de Sainte-Pélagie pour 2 mois. Le style de Monsieur Courrier, rapide, concis, plein d'humour, naïf, fait un contraste singulier avec la manière ambitieuse, académique et parfois obscure de Chateaubriand. Donc Chateaubriand vient en premier, il est le premier prosateur français, mais vous voyez clairement où est la préférence de Stendhal. Chateaubriand est académique et obscur. Alors n'oublions pas que Chateaubriand vient d'avoir été chassé du ministère des Affaires étrangères. Chateaubriand est ministre des Affaires étrangères en 1823 et 1824. Donc il est un homme important et il vient de mener la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne pour remettre sur le trône le roi des Bourbons. Donc il y a là tout un contexte très intéressant. Et lorsque Stendhal évoque ce texte de Fourier, le texte de Fourier, il paraît que j'ai dit plusieurs fois Fourier au lieu de Courrier, et voici que je recommence. Le texte de Courrier que Stendhal préfère, c'est donc cette lettre ironique de Louis XVIII à son bien-aimé frère Ferdinand d'Espagne, qu'il vient de remettre sur le trône après l'expédition dirigée par Chateaubriand. Et Stendhal renvoie donc à cette lettre de 1823, au moment de la conclusion de la guerre d'Espagne, sans doute que l'armée française est déjà à Madrid. Et dans cette lettre ironique ou satirique, Louis XVIII recommandait à son frère, son cousin Ferdinand, il lui recommandait ce genre de gouvernement qu'on nomme représentatif et que j'appelle, moi, récréatif, n'y ayant rien que je sache au monde si divertissant pour un roi, surtout lorsqu'il choisit lui-même ses députés. Donc c'est Louis XVIII donnant une recommandation sur le régime que le roi d'Espagne doit appliquer, un régime représentatif mais bien choisi. Voici ce que dit Courier. Le représentatif, ou ce qu'il fait dire à Louis XVIII, le représentatif me convient à merveille, pourvu toutefois que ce soit moi qui nomme les députés du peuple, comme nous l'avons établi en ce pays fort heureusement. Le représentatif de la sorte est une cocagne, mon cousin, l'argent nous arrive à foison. On fait voter par ces députés qu'on a choisis, on leur fait voter le budget qu'on veut, et donc on a tout l'argent qu'on souhaite. Le deuxième texte que Stendhal retient dans ses chefs-d'œuvre de Courier, c'est cette lettre, cette pétition pour des villageois que l'on empêche de danser. Là aussi, c'est un texte contre les curés. C'est le curé qui fait régner l'ordre dans le village de Courier, et c'est cet ordre moral contre lequel s'élève Courier. Enfin, c'est le discours sur la souscription de Chambord. Et puis, bien entendu, Stendhal, dans le London Magazine, écrit un article sur l'assassinat de Courier. La littérature française, dit-il, ne pouvait subir une plus grande perte. Depuis l'époque de Voltaire, aucun écrivain n'a égalé M. Courier dans la satire en prose. Nul n'a écrit d'aussi délicieux pamphlets. Donc on a à la fois Voltaire, la satire, et puis maintenant le mot pamphlet qui apparaît. Sa mort est un grand bonheur pour les jésuites. Bon, c'est la congrégation, c'est la cible de choix. Monsieur Courier aurait été le Pascal du XIXe siècle. Expression à laquelle je faisais allusion dans un instant. On a Pascal et Voltaire, cette généalogie du pamphlet français. Monsieur Courier était un ennemi déclaré de l'emphase ridicule et du pathétique affecté par lesquels Chateaubriand a corrompu la littérature française. Et on voit bien que, d'un bout à l'autre, Courier est donc l'anti-Chateaubriand. L'anti-Chateaubriand, l'autre grand polémiste de la période. Auprès de Pascal et de Voltaire, Stendhal évoque également Montaigne pour la naïveté, la vigueur. Donc c'est toute une tradition française de la prose qui est là. Il évoque aussi, pour le côté bonhomme, La Fontaine et Molière. Alors, vous le voyez, il y a un lien très fort entre Courier et Stendhal. Bon, Stendhal est à une dizaine d'années de moins. Ils se sont connus au salon de l'Écluse. Bon, le salon de l'Écluse est un salon très célèbre de la période romantique. Hein, et de l'Écluse est un peintre, mais il renonce assez vite à sa carrière de peintre pour celle de critique d'art. Et il est l'un des grands critiques d'art du XIXe siècle. Il est le critique d'art du journal des débats pendant une très longue période. De l'Écluse est lié à Viollet-le-Duc. Hein, c'est sa sœur a épousé, je crois, Viollet-le-Duc, le père de l'architecte Viollet-le-Duc, et ils ont tous les deux des salons, ils habitent dans le même immeuble, ce sont des salons très fréquentés, et de l'Écluse a laissé des souvenirs qui sont publiés plus tard, qui s'appellent « Souvenirs de 60 années », qui sont très intéressants pour la description de ce milieu littéraire et artistique de l'époque. Et de l'Écluse insiste bien sur le fait que ce qui réunit Stendhal et Courier, c'est la haine du clergé et la haine du pouvoir temporel du clergé. Et c'est aussi ce qui intéresse évidemment Thibaudet, puisque Thibaudet insiste beaucoup sur cette proximité. Voici le pamphlet de Stendhal, pamphlet contemporain. Stendhal se met à écrire des pamphlets à partir du moment où il connaît Courier. Je reviendrai à Racine et Shakespeare, qui datent de 1823 et 1825. Donc c'est sur le modèle des pamphlets de Courier. Et le pamphlet de Stendhal, d'un nouveau complot contre les industriels. Je le cite, il est intéressant, il est publié en 1825. Je le cite parce que celui qui le réfute, c'est Armand Carrel, dont je parlerai ensuite, qui sera ma seconde grande figure de soldat littéraire du XIXe siècle et qui traite ce pamphlet de Stendhal de pasquinade, donc en référence à, là encore, à l'âge classique et aux satires de l'âge classique. Alors Thibaudet repère bien l'importance de ces pamphlets de Courrier pour la littérature française. Les pamphlets anticléricaux de Paul-Louis Courrier, dit-il, sont gros d'une littérature romanesque. Le prêtre, vu, compris, évoqué ou caricaturé du dehors, peut devenir un personnage de roman. De là, Le Rouge et le Noir, chronique de 1830, puis Les Curés de Balzac, celui de Tours, celui de Village. Je crois que, bon, je reviendrai dans un moment, j'évoquerai ben, ce qui, dans Le Rouge et le Noir, est véritablement lié à ces textes de Courrier. D'une certaine façon, on peut dire que le Verrières du Rouge et le Noir, ben, c'est le Luyn ou le Véretz de Courrier. C'est la même chose qui s'y passe hein, avec Monsieur de Rênal, l'abbé Chélan qui est évincé au profit d'un jeune abbé qui est tout semblable au curé de Courrier, ceux qui interdisent de danser. Et dans Le Rouge et le Noir, à Besançon, on a bien la lutte entre le janséniste et le congréganiste, hein, l'abbé Pirard et l'abbé Frilair. Et au fond, rien n'explique mieux que Courrier, ces passages anti-congréganistes, anti-jésuites de Stendhal. J'ai dit qu'il y avait deux grandes affaires dans la vie de Courrier qui étaient à l'origine du mythe qui entourait le personnage, de cette légende qui entoure le personnage tout au long du siècle et qui contribue à sa célébrité de pamphlétaire. Et ces deux affaires d'État autour de Courrier, c'est celle de la tache d'encre et celle de son assassinat. Alors la tache d'encre, pourquoi Courrier est-il célèbre à cause d'une tache d'encre? C'est sans doute la tache d'encre, ai-je envie de dire, la plus célèbre de toute la littérature française. Lorsqu'il était officier d'artillerie sous l'Empire en Italie, je l'ai dit, Courrier était un amateur qui fréquentait plutôt les bibliothèques que les terrains de combat. Il perdait ses régiments pour fouiller les bibliothèques et y trouver des manuscrits. Et en décembre 1807, alors qu'il traversait Florence, il a découvert dans un couvent un manuscrit de Daphnis et Chloé de Longus. Et dans ce manuscrit de Florence, il y avait un passage qui manque dans tous les autres manuscrits de Daphnis et Chloé. Une lacune dans toutes les versions connues, et notamment dans la fameuse traduction d'Amyot. C'est Amyot qui a traduit Longus en français. C'est donc l'une des traductions célèbres à l'origine du français moderne. On dit c'est notre langue, c'est la langue d'Amyot. Il a donc découvert un passage inconnu de tous les savants français, allemands, italiens qui reposaient dans ce manuscrit de Florence. Il n'a dit à personne et une fois qu'il a eu quitté l'armée en 1809, en novembre 1809, il est revenu à Florence pour transcrire ce passage précieux qui correspond en gros à 7 pages du texte de Daphnis et Chloé et qui est une lacune capitale, un moment capital du texte puisque dans toutes les versions que l'on connaissait jusque-là, Daphnis et Chloé se rencontrent et puis ils sont amoureux. Mais on ne sait pas ce qui se passe entre les deux. C'est donc une lacune tout à fait capitale pour qui s'intéresse à à la cristallisation de l'amour. Et donc il revient à Florence, mais transcrivant ce passage, eh bien, il y a un accident, une étourderie, dit-il. Il fait une tache, un pâté. Dans son journal, il écrit « pâté sur le longus ».« Pâté sur le longus ». Ben, ce pâté sur le longus devient, en quelques mois, une énorme affaire d'État. C'est une affaire de la tache d'encre qui remonte jusqu'à Paris, bien entendu, et qui remonte jusqu'à l'empereur, jusqu'à Napoléon. Je vous ai dit que Courier connaissait bien Napoléon. Ils étaient plus ou moins de la même génération et de la même origine. Et je n'entre pas dans les détails, mais dans la biographie de Jamais, à laquelle je vous renvoyais, bon, il y a peut-être 50 pages sur la tache d'encre, sur tout ce qui est lié à cette tache d'encre. Courier est accusé par les Italiens, alors que l'Italie est occupée par l'armée française, il est accusé d'avoir fait cette tâche délibérément pour garantir sa découverte afin que personne ne puisse plus relire le passage après lui. Alors, il y a une très longue controverse pour savoir s'il s'agit d'un accident ou d'un crime. Et c'est à cette occasion, d'ailleurs, que Courier écrit son premier factum ou libelle, puisqu'on ne peut pas appeler cela encore pamphlet, contre le libraire parisien Monsieur Renoir, avec qui il devait publier ce nouveau longus. C'est une lettre à Monsieur Renoir sur une tache d'encre faite à un manuscrit de Florence. Il polémique avec son éditeur parisien, qui l'accuse d'avoir voulu profiter de la tache pour revendiquer la découverte, en écartant Courier, et avec qui il rompt. Et voici ce qu'il écrit dans ce qui n'est pas encore un pamphlet, le mot n'existe pas, mais qui est un libelle. Vous et Monsieur Furia. Monsieur Furia, c'est le bibliothécaire de Florence qui l'a humilié, puisque ce bibliothécaire avait fait l'inventaire de ses manuscrits. C'est sur cet inventaire que Courier s'était rendu, sur la foi de cet inventaire, Courier s'était rendu à Florence pour regarder le manuscrit, et il est tombé sur ce passage que le bibliothécaire n'avait pas vu. Donc le bibliothécaire est humilié. Vous et Monsieur Furia, vous alliez vous parer de mes plus belles plumes, et je restais avec la tache d'encre, que personne ne me contestait. J'avais pensé faire deux parts, le profit pour vous, l'éditeur, l'honneur pour moi, vous vouliez avoir l'un et l'autre et ne me laisser que le pâté. Une pareille prétention rompait tous nos arrangements. Donc il y a ce long pamphlet contre l'éditeur profiteur. Et Courier est très discret sur son pamphlet, puisque dans le même texte, sur son pâté, puisque dans le même texte, il écrit « J'y fis, par étourderie, une tache d'encre qui couvrait une vingtaine de mots dans l'endroit inédit déjà transcrit par moi. Pour réparer en quelque sorte ce petit malheur, j'offris, sans qu'on me le demandât, ma copie. » Mais finalement, il n'a pas donné sa copie, et sa copie est restée, eh bien, le seul état authentique du texte qu'il avait découvert. Bon, vous voyez qu'il est discret sur sa tache d'encre. En vérité, il avait maculé toute la page, puisque voici la photographie du manuscrit qui est en effet devenue illisible après son passage. Et voici comment il a découvert, il a recouvert d'encre, en vérité, ce qui fait 7 pages de texte dans l'édition. C'est très serré, ça fait 7 pages de texte dans l'édition de Longus. C'est donc une affaire d'État que ce pâté, ce fameux pâté, dont Carrel dira dans son introduction aux œuvres de Courier que ça a été l'occasion pour lui d'écrire quelques pages remplies de ce fiel satirique, de cette verve d'insolence un peu abandonnée et pourtant de bon goût, dont il n'y a plus de modèle depuis les réponses de Voltaire à Fréron, avec cela le style des provinciales. Toujours Voltaire, Pascal, mais on peut dire que Courier, est, au fond, a trouvé sa veine dans cette tache d'encre. Alors apparemment, dit-il, il avait nettoyé sa plume avec une feuille, et puis par mégarde, il a mis cette feuille comme marque-page pour repérer l'endroit où se trouvait le passage inédit qu'il avait trouvé. Le Collège de France et France Culture vous présentent Antoine Compagnon, aujourd'hui Paul-Louis Courier, l'homme du pamphlet, deuxième partie. Deuxième légende, celle de ce mystérieux assassinat dans ce bois qui lui appartient, en Touraine, le bois de l'Arcé, le 10 avril 1825, alors que peu de temps avant, il écrivait dans l'un de ses pamphlets « Ce matin, me promenant dans le palais royal, quelqu'un lui dit « Prends garde, Paul-Louis, prends garde, les cagots te feront assassiner. Quelle garde veux-tu, lui dis-je, que je prenne ? Ils ont fait tuer des rois. » Lui-même est assassiné peu de temps après, et évidemment, on croit au crime politique. C'est la théorie du complot. Est-ce un crime politique ou un crime familial ? Son ami de l'Écluse écrit aussitôt dans son journal « Comme je demandais à Bobet, Bobet c'est l'imprimeur de courrier, s'il savait quelques détails au sujet de cet assassinat, il n'a pas balancé un instant pour me dire que Courrier devait cela à sa femme et surtout à sa belle-mère. Il ne paraît pas douter un instant que le crime ne soit le résultat d'une vengeance de famille. » Mais la thèse qui court à Paris, c'est la thèse politique. Et il ajoute aussitôt, de l'Écluse, « La nouvelle de l'assassinat de Courrier a fait impression sur le public. Tous ceux qui n'ont entendu parler de lui que comme écrivain politique et qui sont étrangers à ce qui le touche personnellement n'ont pas manqué de dire à l'instant que ce sont les jésuites qui l'ont fait tuer. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens à qui on ne peut pas ôter cela de la tête. » Le procès a lieu quelques mois plus tard, en septembre 1825. C'est son garde forestier qui est accusé, mais qui sera acquitté par manque de preuves, et le mystère et la théorie du complot politique dureront jusqu'à la fin, pratiquement, de la Restauration. Il y aura un rebondissement en 1829 où on découvrira un témoin, une jeune bergère qui était là avec un jeune berger dans le bois à la même heure et qui n'avait pas osé le dire à l'époque. Et on découvrira, grâce à elle, qu'il s'agissait d'un complot des domestiques de Courrier et que le meurtre avait été commandité par deux de ses serviteurs qui le trompaient avec sa jeune femme. Comme je vous le rappelle, je vous disais qu'à l'âge de 42 ans, en 1814, il avait épousé la fille de son professeur de grec, professeur au Collège de France, qui en avait 19. Eh bien, cette jeune femme le trompait avec les domestiques, et c'est les domestiques qui l'ont fait assassiner. Là aussi, il y a une chronique abondante en 1830 pour le second procès de Courrier, où le garde forestier est acquitté et les complices aussi par manque de preuves. Mais vous voyez que tout ça alimente une légende qui n'est pas seulement littéraire, de ce Courrier combattant, soldat et helléniste, et en même temps assassiné. Vous trouverez tout cela avec beaucoup plus de détails dans la biographie de Jamais. Donc c'est un solitaire, c'est un individualiste, c'est un dilettante. Sainte-Beuve le caractérise comme un homme d'humeur, un caractère difficile, un misanthrope, un mécontent. C'est un rouspéteur, et c'est pourquoi Thibaudet le comparait à cette tradition de la Troisième République. C'est quelqu'un qui est à l'écart dans le milieu littéraire, un solitaire, car elle dit de lui, au milieu des gens qui semblaient travailler à se ressembler les uns aux autres et qui faisaient commerce des douceurs réciproques de la confraternité littéraire, il se présenta seul, sans prôneur, sans ami, sans compère. Et vous retrouvez les termes que j'ai examinés l'année dernière, hein, le prône, le compérage, c'était la louange, ce sont les termes de Stendhal, toujours, hein, qui s'opposent à l'éreintage. Le compérage et l'éreintage font couple. Mais Carrel a tout de même été reçu par Decazes, premier ministre de Louis XVIII, après ses premières pétitions, et il a probablement été reçu par le duc d'Orléans, futur Louis-Philippe, intéressé par un pamphlétaire hostile à la Restauration. Et puis, je l'ai dit, il était familier de l'Écluse, de Stendhal, de Victor Cousin, de Sainte-Beuve, hein, qu'il a connu peu avant sa mort. C'était un puriste du point de vue de la langue française, un pointilliste. Il a traduit Longus en contrefaisant le style d'Amyot, puisque Longus avait été traduit par Amyot. C'est donc un pasticheur de la langue française de la Renaissance du XVIe siècle. C'est un atrabilaire, ainsi qu'il est souvent caractérisé, et il écrivait par exemple à sa jeune femme, juste après leur mariage, et alors qu'il avait fait une fugue, en raison de ses mauvais rapports avec sa belle-mère, « Ton sermon me fait grand plaisir, tu me prêches sur la nécessité de plaire aux gens que l'on voit, et de faire des frais pour cela. Et comme s'il ne tenait qu'à moi, tu m'y engages fort sérieusement et le plus joliment du monde. Tu ne peux rien dire qu'avec grâce, mais je te répondrai, moi, ne forçons point notre talent. C'est La Fontaine qui l'a dit. Si Dieu m'a créé bourru, bourru, je dois vivre et mourir. » Ben, en effet, on peut dire que quelques années plus tard, il est mort bourru, comme il l'avait prévu. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la consécration, et je dirais même l'invention, grâce à lui, du pamphlet, qui devient un genre important de la littérature française à partir de cette date, genre, comme le disait Thibaudet, genre qui est passé de gauche à droite au cours du XIXe siècle. L'année dernière, j'avais parlé de cette notion de personnalité. La personnalité, c'est l'argument contre la personne, la satire de la personne. Et voici la définition qu'on trouvait dans le Larousse du XIXe siècle de cette personnalité dont je parlais l'an dernier. Personnalité, donc, qui n'est pas notre sens contemporain de la personnalité, paroles offensantes dirigées expressément contre une personne. Et l'exemple était celui-ci. Se permettre des personnalités, la personnalité maniée cruellement, effraye jusqu'au rieur. La personnalité, c'est donc du discours au XIXe siècle. Et la citation que Larousse propose, c'est une citation de Carrel, dont nous parlerons bientôt. Et c'est une citation de Carrel, précisément à propos de Courier, le plus grand pamphlétaire du siècle, à propos de sa lettre à l'Académie des inscriptions, sa lettre d'injure après son échec à l'Académie lors de la succession de son beau-père. Et voici ce que Carrel écrivait expressément. « La personnalité maniée si cruellement effraie jusqu'au rieur pour peu qu'il soit exposé à rencontrer un si terrible homme et à lui déplaire. » Carrel appelle donc bien personnalité la charge contre la personne, et il appelle personnalité ce que nous appellerions un pamphlet. Ces textes sont des pamphlets. Voici les les deux discours de Courier, hein, ce simple discours sur Chambord, et puis le procès, beaucoup plus développé, dans lequel il reprendra toute son argumentation en racontant le procès. On lit dans ce procès, donc dans le second texte, son échange avec le président de la cour d'assises. Le président, vous avez outragé tout le corps de la noblesse, l'ancienne et la nouvelle, et vous ne respectez pas plus l'une que l'autre. Courrier, sans m'expliquer là-dessus, je vous ferai remarquer, monsieur le président, que j'ai spécifié, particularisé la noblesse de race et d'antique origine. Le président, eh bien, dans l'ancienne noblesse, il y a des familles sans tache qui ne doivent rien aux femmes, les Noailles, les Richelieu. L'argumentation de Courrier étant que tous les progrès de la noblesse se sont faits par les femmes. Les Richelieu, tout le monde sait l'histoire du pavillon d'Hanovre et de la guerre d'Allemagne. Madame de Pompadour étant premier ministre. Le président, assez, point de personnalité. Voici la personnalité qui revient dans ce texte. Eh bien, après la personnalité, ou l'épigramme, autre forme que j'ai analysée l'année dernière, l'épigramme et la personnalité, ce sont les formes brèves de l'attaque. Voici le pamphlet qui est l'arme plus développée ou plus volumineuse de la guerre littéraire. Mais ce que nous montrent ces textes, c'est que la limite, évidemment, est poreuse entre personnalité et pamphlet. C'est une limite de volume, de taille, et je crois que ce qui est très frappant, très intéressant, c'est que comme personnalité, le mot pamphlet est un anglicisme en français du début du 19e siècle. Je vous avais montré l'année dernière comment le terme de personnalité au sens de parole offensante venait du parlementarisme anglais. C'était auprès des parlementaires que la personnalité était interdite. Et je vous rappelais que dans le règlement intérieur du Sénat américain, le mot de personnalité dans ce sens-là figurait encore il y a quelques années pour dire la personnalité est interdite. Personnalité est un anglicisme en français. Eh bien, il en est de même de pamphlet au début du 19e siècle. Voici l'article du mot pamphlet dans l'Oxford English Dictionary. Vous verrez que c'est une étymologie très intéressante. Pamphlet, a familiar name of the 12th century Latin amateur poem or comedy, Pamphilus de Amore. C'est le pamphlet vient du Pamphilus ou de l'amour dans un catalogue de manuscrits du Louvre. C'est donc du latin post-classique venant d'un nom propre. Pamphilus. Pamphilus, c'est un nom propre. Le sens apparent, the extended sense, is apparently not attested in Middle French, but does occur in post-classical Latin in British sources. Pamphletus, pamphletus, pamphletus, toujours dans le sens de short treatise, petit traité, short work, work of polemical nature. Donc le pamphlet, d'après le Pamphilus ou de l'amour, c'est un petit traité, un petit livre de peu de pages. En anglais contemporain, le pamphlet a encore ce sens. Le pamphlet, c'est le tract, c'est la brochure, mais non pas en français. Voici les entrées du dictionnaire de l'Académie française qui nous montrent bien cette évolution. En 1762, il y a une entrée pour le mot « pamphlet ». En 1798, l'orthographe est déjà « pamphlet ». Mot anglais qui s'emploie quelquefois dans notre langue et qui signifie « brochure ». Et puis dans la sixième édition, en 1835, le mot a changé de sens. Mot emprunté de l'anglais « brochure, il se prend souvent en mauvaise part. Un pamphlet injurieux, séditieux, ce pamphlet spirituel et contient quelques idées fort justes, un auteur, un faiseur de pamphlets. Bref, on voit bien comment on est passé du sens, en quelque sorte, neutre, objectif, qui est celui du petit traité, au sens polémique, qui est celui dans lequel on emploie le mot le plus couramment en français aujourd'hui. Voici l'entrée du littré. Hein. Un, petit livre de peu de pages. Deux, il se prend souvent en mauvaise part. Et puis, l'étymologie très intéressante, parce qu'il y a une étymologie populaire et une étymologie savante. Étymologie anglais, pamphlet, qui est dans Shakespeare, pamphlet et pamphlet, de palm, feuillette, feuillet qui se tient dans la main. Donc l'étymologie populaire du pamphlet, c'est palm, feuillette. Le feuillet qu'on tient dans la main, ce qui est probable. Mais dans les suppléments du littré, eh bien, littré corrige et à l'étymologie populaire oppose l'étymologie savante, celle du pamphilus que nous devons à Gaston Paris. Supplément au dictionnaire pamphlet, selon Littré, à la conjecture palme-feuillet, M. Gaston Paris en oppose une autre. Il signale que dans la seconde moitié du XIIIe siècle, pamphlet est cité dans la traduction néerlandaise de Flore et Blanche-Flore. Or, pamphlet est le nom vulgaire de pamphilus, espèce de comédie en vers latin du XIIe siècle. Appuyé là-dessus, il dit « Je suis porté à croire que de cette forme diminutive dérive le mot anglais « pamphlet » dont l'origine a tant exercé les érudits. Ce serait une preuve de plus de la grande popularité de notre poème au XVe siècle. » Donc deux étymologies, l'une populaire, le feuillet qui tient dans la main, l'autre savante, le pamphilus. En tout cas, nous avons là un mot qui, en français, a glissé de son sens neutre à son sens polémique le plus courant aujourd'hui. Chez Courier, eh bien, chez Courier, le mot n'apparaît pas avant le procès de 1821. Ce sont ses juges, ce sont les procureurs qui l'utilisent contre lui. Ce n'est pas un mot de lui, c'est un mot de ses ennemis. Et voici comment il résume le propos du procureur du roi lors de son procès, dans le compte-rendu qu'il en fait. « Lesquelles propositions scandaleuses, impies et révolutionnaires auraient été par lui recueillies, mises en lumière dans un pamphlet intitulé « Simple discours », espèce de factum pour les princes contre les courtisans, saisi par la police comme contraire aux pensions, gratifications et dilapidations de la fortune publique, poursuivi par M. le procureur du roi comme étant propre à éclairer lesdits princes et rois sur leur vrai intérêt. » Donc Courier reprend le terme de ses juges au sens de brochure et puis au sens polémique. Et c'est seulement dans sa dernière brochure, le pamphlet des pamphlets, où il revient sur son procès, et c'est là que le terme prend pleinement le sens qu'il a pour nous. Tout ce texte joue sur le double sens du mot, brochure et satire, si l'on veut. Courier commence par rappeler qu'il a été traité, dit-il, de vil pamphlétaire. C'est ça qui l'a vexé, c'est ça qui l'a blessé, c'est cette expression de vil pamphlétaire utilisée par l'avocat général. Et, conclut-il, ce mot décida tout. Dans le compte-rendu du procès, et là aussi c'est très intéressant, voici ce qu'avait soutenu le procureur du roi. Voici le pamphlet des pamphlets. Le procureur du roi soutenait qu'il y avait une différence, hein, différence qu'il y a de l'historien au pamphlétaire, qu'il appelle aussi libelliste. L'un peut dire la vérité parce qu'il fait de gros volumes qu'on ne lit pas, l'historien. L'autre ne doit pas dire vrai parce qu'on le lit en petits volumes. L'auteur de la brochure va vous conter qu'il a copié les historiens. Mensonge, messieurs, mensonge odieux, aussi dangereux que coupable, car l'histoire n'est pas toute dans sa brochure. Il devait copier tout ou rien. Il montre le laid, cache le beau. Et on voit bien l'idée du procureur, c'est que si c'est court, c'est dangereux, parce que c'est lu. Dès que c'est court, c'est donc mauvais. Et vous vous souvenez sans doute de la loi que j'évoquais, la loi sur la diffamation l'an dernier. Les volumes longs ne sont pas soumis à la censure préalable. Dès que c'est au-dessus d'un certain nombre de feuilles, il n'y a pas besoin de censure préalable parce qu'au fond, personne ne lira, ou seulement très peu de gens. Mais lorsque c'est une feuille qu'on plie en trois et qui fait 16 pages, eh bien c'est nécessairement mauvais. Et le mot de pamphlétaire qui apparaît ici, eh bien lui aussi c'est un anglicisme, c'est copié sur le pamphlétaire anglais. On a trouvé aussi en français pamphletier d'abord, plus proche de l'anglais. Ce sont des mots qui sont encore très rares à la date de 1824, où c'est véritablement Courier qui les répand. Le pamphlet des pamphlets met en scène une conversation de Courier avec l'un de ses jurés à la sortie du tribunal, où il vient d'être condamné à 2 mois de prison à Sainte-Pélagie. Il tombe sur un de ses jurés. C'est en tribunal d'assises que les délits de presse est jugé. Et ce juré avec qui il a une conversation, c'est un libraire, Artus Bertrand. Ce libraire s'y connaît très bien dans les formats de livres, et voici leur conversation. « Je ne l'ai point lu, me dit-il, mais c'est un pamphlet, cela me suffit. Puisque c'est un pamphlet, c'est condamnable. » Alors je lui demandais ce que c'était qu'un pamphlet et le sens de ce mot qui semble être nouveau. Il est nouveau, mais pas tout à fait nouveau. Avait besoin pour moi de quelques explications. « C'est, répondit-il, un écrit de peu de pages comme le vôtre, d'une feuille ou deux seulement. » Une feuille pliée en trois, ça fait 16 pages. Donc, c'est principalement une feuille qui est condamnée. Et vous voyez qu'on joue sur les mots, sur le sens propre, sur l'acception commune. Et le pauvre Courier n'a qu'à s'incliner. « Je suis donc pamphlétaire, dit-il. Allez, mon bon monsieur, lui répond Artus Bertrand, et ne péchez plus, allez à Sainte-Pélagie. » Inutile donc de lire, et voyez bien le glissement du premier au second sens du terme. « Mais le pamphlet, vous ne le lisez pas ?»« Non, parce que le pamphlet ne saurait être bon. » Qui dit pamphlet, dit un écrit tout plein de poison. Conversation que Courier conclut de cette manière. Dieu, délivre-nous du malin et du langage figuré. Le sens métaphorique de pamphlet. Non seulement le sens neutre, mais le sens polémique ou le sens condamné. Jésus, mon sauveur, « Sauvez-nous de la métaphore. » Ce qui est évidemment un pastiche du dialogue de Pascal avec le bon père dans les provinciales. Donc, si tout le monde retrouve des provinciales chez Courier, c'est parce que Courier y a mis des provinciales. C'est le texte dont il s'inspire en effet. Et la polémique porte donc sur la nature des provinciales. « Monsieur, lui dis-je, les lettres provinciales de Pascal, ô livre admirable, divin, le chef-d'œuvre de notre langue. Eh bien, ce chef-d'œuvre divin, ce sont pourtant des pamphlets, des feuilles qui parurent. Non, tenez, j'ai là-dessus mes principes, mes idées. Autant j'honore les grands ouvrages faits pour durer et vivre dans la postérité, autant je méprise et déteste ces petits écrits éphémères, ces papiers qui vont de main en main, et parle aux gens d'à présent des faits, des choses d'aujourd'hui. Je ne puis souffrir les pamphlets. Et vous aimez les provinciales, petites lettres, comme alors on les appelait quand elles allaient de main en main. » Cette analogie entre les pamphlets de Courier et les provinciales de Pascal, on la trouvera comme un leitmotiv du Port-Royal de Sainte-Beuve. Courier lui-même revendiquait fort, haut et fort, cette filiation. Il écrivait, toujours dans le pamphlet des pamphlets, « Quand ils crient contre les pamphlets, journaux, brochures, ils ont leur raison admirable. J'ai les miennes et voudrais qu'on en fît davantage, que chacun publiât tout ce qu'il pense et sait. Les jésuites aussi criaient contre Pascal et l'eussent appelé pamphlétaire, mais le mot n'existait pas encore. » Et Courier, dans ce pamphlet des pamphlets, fait une sorte de généalogie de ce genre nouveau pour montrer que, au fond, la chose n'est pas tout à fait nouvelle et c'est évidemment un mot qui se répand. Alors, j'évoquais Stendhal. Stendhal, c'est le moment où il écrit des pamphlets et n'oublions pas que Racine et Shakespeare se présentent comme un pamphlet dans lequel Stendhal, dans ses deux textes de 1823 et 1825, hein, manifeste du romantisme. Voici ce que dit Romain Colomb, qui est le cousin, l'exécuteur testamentaire de Stendhal. Bell soumit son manuscrit à Paul-Louis Courier, manuscrit de Racine et Shakespeare, dont les écrits occupaient alors le premier rang parmi les publications contemporaines. Sans doute les conseils du célèbre vigneron de la Chavonnière profitèrent à l'arrangement et au mode de présentation des idées du romantique. Le public n'eut qu'à s'en féliciter. C'était du reste chose curieuse que de voir le fervent adorateur et l'heureux imitateur des anciens, Courier, écouter et diriger les attaques de l'ardent ennemi des classiques. Stendhal, le romantique. Et on lit dans les souvenirs de l'Écluse, 15 février, mardi gras, 1825, donc peu avant la mort de Courier, dimanche dernier, la réunion a été assez nombreuse chez moi, Courier est venu, et Bell a lu son pamphlet sur le romantisme, dirigé particulièrement contre l'Académie. Vous voyez, au fond, le pamphlet de Stendhal contre l'Académie française, hein, le second Racine et Shakespeare, ben c'est une variante de ces pamphlets de Courier. Courier est très présent chez Stendhal dans Racine et Shakespeare, qu'il appelle lui-même « mon pamphlet ». C'est son pamphlet et on peut d'ailleurs observer que le mot apparaît en 1825, il n'apparaît pas en 1823. C'est bien entre les deux, c'est bien lié au pamphlet des pamphlets de Courier que le mot est entré dans la langue française. C'était les cours du Collège de France le 16 janvier 2018. Vous venez d'écouter le cours d'Antoine Compagnon. Aujourd'hui, Paul-Louis Courier, l'homme du pamphlet, deuxième partie. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Antoine Compagnon. Sa série sur les chiffonniers de Paris a donné lieu à un bel ouvrage publié sous ce titre chez Gallimard en 2017. Un grand merci aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France, réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons avec Antoine Compagnon l'ultime évocation de Paul-Louis Courier. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.